couteau plein d'héros, t'as buté plein d'héros. Gars, je veux plein d'euros, va là pour les rendre heureux. Aha, comme dirait mes rages, te balave, c'est ça la morale. T'es comme caméral, moi je leur fais peur comme moral. Moi je fais monter la mouta, arrête des gouttes. Gars, lâche des frites, un booster, puis je lâche des boulettes dans le tas. Moi je suis dans le stack, je suis dans la boîte, toi tu stack. T'as pas le style, ouais. C'est mieux tu tailles, tu vas manger le revers de la médaille. Gars, je suis vert comme le plus chaud des Jedi. Ouais, quoi, tu fumes la paille, y'a plus tes sons, c'est de la caille. Sur le refrain, c'est match, donc pour la gueule. Tu t'en frais, tu t'en confronte, on pleut ta gueule. Gars, c'est mieux, ferme ta gueule. Je te rends tout blanc, je te fous dans la vodka comme Michael, yeah. La hope, là, le sexe, voix pour ma zone maison. Ça centre dans le caleçon, toujours la bonne section. Rue qui fasse les cousins. Dans cette merde j'ai 100 ans, ok. Et si ta hoe cherche trop, j'peux lui faire 12 enfants. La hoe pleure le sexe, ça fait 10 fois elle pleure. Ses 12 enfants c'est dingue. Font du bruit comme des coco pop, c'est dingue. Font du bruit comme des coco pop, c'est dingue. Font du bruit comme des coco pop, c'est dingue. Qu'est-ce que je fais de mes clés? Qu'est-ce que je fais de mes clés? Mon roche il va taper sa claque. Du coup j'aime pas la bouger claque. Y'a pas d'acteur, Yonzo c'est nous les meilleurs. Tu me décartes à la femme la sora. Quand tu recrutes des mineurs, ne compare pas, hey. On n'est pas ces putains. Je vais niquer ta femme, hein, et dormir dans tes draps. Elle aime trop me sucer, elle veut prendre une part mon succès. Mais je suis trop vicieux comme tous les mecs de census. Aha, aha, je glisse des kennels, loin d'un fou. Tous tes gants font les kennels, khali, aha, tous les jours. Tu fiches d'arrêter tous les cours, hey. Que la cash, voilà, voilà, que le gros. La hoe pleure le sexe, voix pour ma zone maison. Ça centre dans le caleçon, toujours la bonne section. Rue qui fasse le cousin, dans cette merde j'ai 100 ans, ok. Et si ta hoe cherche trop, j'peux lui faire 12 enfants. La hoe pleure le sexe, ça fait 10 fois elle pleure. Ses 12 enfants c'est dingue, font du bruit comme des coco pop, c'est dingue. Font du bruit comme des coco pop, c'est dingue. Font du bruit comme des coco pop, c'est dingue. Prends pas les couilles de ce que tu penses, man. Tu pluguais avec les étoiles. Découpe ça comme gars et Jedi. J'ai toujours des grammes de Z là. La conscience est nouvelle, la technique ancestrale. Négro, j'ai du flair, pas né dans la cesse là. Tu es tassé le bouger si t'as les fesses là. J'ai du lin dans le buffet, c'est un festin. Ce soir j'en baisse qu'un, je suis du genre bestial. Du genre à kiffer quand c'est sale. Nous envoie pas ta prod si c'est nage. Les voix au loin se cracher comme Sénat. T'allumes pas comme moi, mais j'ai vu le jour à moi, mais le même jour que ma mère. J'ai vu le jour sur Nam. Ne jure pas sur la mec, hey. De ceux qu'on ne voit pas comme Edjai. J'ai le revers de Rogélique, une médaille. J'ai consommé plus de drogue que t'en verras. Pétasse demande à Goa qui c'est là. Les couilles de ce que tu penses, man. J'suis plugué avec les étoiles. J'écoute ça comme guerrier Jedi. J'ai toujours des grammes de Z là, hey. La hoe pleure le sexe, voix pour ma zone maison. Ça centre dans le caleçon, toujours la bonne section. Rue qui fasse le cousin. Dans cette merde j'ai 100 ans, ok. Et si ta hoe cherche trop, j'peux lui faire 12 enfants. La hoe pleure le sexe, ça fait 10 fois elle pleure. Ses 12 enfants c'est dingue. Font du bruit comme des coco pop, c'est dingue. Font du bruit comme des coco pop, c'est dingue. Font du bruit comme des coco pop, c'est dingue. Je la trouvais bien trop sexy, yeah. Maintenant ils veulent essayer de le faire aussi. Là tu nous appelles et fais-toi pas trop grossir. Mon équipe est belle, je te vire comme un proxy tox. Non je fume que du pur. Ma vie sans la luxure. Moi je m'en balègue de ta maille. Je parle fort au ciné, je te fais halluciner. Ça fait plus 6 mois que ta poussy colle. Hey Bushi, donne pas ma conso John. En Chine pute, avec moi je enchaîne tous les buts. Ton équipe ne voit plus. Lionzon c'est pas vous, puis toi non plus. C'est pas qui on est dans notre usine. On a pas des, on n'a pas des usines. C'est un contrat carré, on a de la résine. La hoe pleure le sexe, voix pour ma zone maison. Ça centre dans le caleçon, toujours la bonne section. Rue qui fasse le cousin. Dans cette merde j'ai 100 ans, ok. Et si ta hoe cherche trop, j'peux lui faire 12 enfants. La hoe pleure le sexe, ça fait 10 fois elle pleure. Ses 12 enfants c'est dingue. Font du bruit comme des coco pop, c'est dingue. Font du bruit comme des coco pop, c'est dingue. Font du bruit comme des coco pop, c'est dingue.